je ne suis pas fier, je ne suis pas beau. Trop de poussière dans mon dos. Je veux être à terre, ne pas être en haut. Juste avoir l'air quelqu'un dans l'eau. Savoir.